Washington, les républicains sont de retour. Une nouvelle équipe s'est installée aux commandes. Enfin, quand je dis nouvelle, ce n'est pas tout à fait exact, car on retrouve aux côtés de Bush Junior quelques poids lourds de l'équipe Bush Senior, et même des hommes qui ont travaillé avec Ronald Reagan dans les années 80. C'est pourquoi, à l'occasion de l'arrivée à la Maison Blanche de George W. Bush, j'ai demandé à Monsieur X d'honorer une promesse qu'il m'avait faite l'an passé, je crois. Il avait alors évoqué le destin extraordinaire d'Eden Pastora, celui qu'on a appelé le commandant Zéro, un guérillero nicaraguayen qui a contribué à chasser le régime corrompu et tyrannique de Somoza avant de tourner kazakh et de rejoindre la contre-révolution. Et en terminant cette évocation, mon interlocuteur m'avait justement promis de me parler un jour des contras, c'est-à-dire des contre-révolutionnaires nicaraguayens soutenus, armés et financés clandestinement par les États-Unis et l'administration Reagan. L'affaire avait fait scandale et terni les dernières années de la présidence Reagan, d'autant qu'une autre affaire se dissimulait derrière celle des contras, l'Iran Gate, la fourniture tout aussi clandestine d'armes à l'ayatollah Khomeini. Autant le dire tout de suite, le président américain est passé à travers les gouttes et n'a fait l'objet d'aucune inculpation. Et les hommes qui ont été mêlés à ces deux affaires ont été ensuite pardonnés par le successeur de Ronald Reagan, c'est-à-dire George Bush, le père du président actuel. Pourtant, les faits étaient autrement plus graves que les galipettes de Bill Clinton avec Monica Lewinsky, plus graves aussi que le scandale du Watergate qui a entraîné la chute du président Nixon. Mais, prétend Monsieur X, la vérité n'a pas encore été réellement faite sur ces deux affaires. Il nous en donne la preuve au cours de ce long entretien dont la première partie est d'abord consacrée aux contras. Ronald Reagan, quand il entre à la Maison Blanche en janvier 81, arrive avec des idées simples. Simpliste, vous voulez dire? Non, faut pas caricaturer, ce serait trop facile. L'une de ses idées, c'est que l'URSS, c'est l'empire du mal. Par conséquent, il faut tout mettre en œuvre pour détruire les démons soviétiques. Remarquez-le bien, Reagan va réussir. Oui, grâce à son projet de guerre des étoiles. Oui, ce projet est une sorte de leurre technologique. Les soviétiques vont se ruiner en essayant de le suivre, et l'empire finira par s'effondrer sur lui-même, malgré les efforts de Gorbatchev pour le sauver ou le réformer. De ce point de vue, la longue présidence de Reagan est donc plutôt positive. Certainement. Mmh. Et pourtant, quand il arrive au pouvoir, on peut légitimement avoir peur, car on assiste à une vraie relance de la guerre froide. Ouais, c'est la fin de la détente. Exactement. Et tout de suite, l'attention de la nouvelle administration américaine se focalise sur un petit pays de l'Amérique centrale, le Nicaragua. Ouais, et là-bas, le pouvoir venait de changer de main. Oui, je résume à grands traits. Depuis une quarantaine d'années, le Nicaragua était en quelque sorte la propriété privée d'une famille, les Somoza, qui régnait sans partage sur le pays. Une dictature. Et particulièrement odieuse, oui. Et soutenue par les États-Unis. Naturellement, les Somoza garantissaient la sécurité des intérêts américains au Nicaragua. Et ils étaient nombreux. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que le pays a été longtemps une quasi-colonie des États-Unis. Et les Marines n'ont quitté le pays dans les années 30 que lorsque Washington a eu la certitude que le clan des Somoza était bien arrivé au pouvoir. Ça, au moins, c'est clair. Hein. Au nom de la fameuse doctrine Monroe, les États-Unis ont toujours considéré qu'ils étaient chez eux sur tout le continent. Et ils n'ont jamais hésité à intervenir militairement lorsqu'il le fallait. Ouais, à Cuba, ça ne leur a pas tout à fait réussi. Ouais, enfin, c'est l'exception. Et Cuba, justement, puisque vous en parlez, au début des années 60, en se référant au modèle cubain, des militants révolutionnaires nicaraguayens créent le FSLN, le Front Sandiniste de Libération Nationale. Mais Sandiniste, c'est une référence à un général. Hein. Sandino, le général Sandino qui a lutté contre les marines américains et qui a été assassiné par un Somoza. Ouais. La référence est donc particulièrement symbolique. Absolument, hein. Les Sandinistes entendent de lutter à la fois contre les Somoza et aussi l'hégémonie américaine. Enfin, ça n'est qu'au début des années 70 que leur combat prend de l'ampleur et devient réellement populaire. Il y a eu aussi, dans ces années-là, le tremblement de terre. En 72, ouais, c'est une ça, vraie ouais. catastrophe pour ce petit pays. Les dégâts ont été énormes. Et comme d'habitude, la solidarité internationale s'est manifestée. Mais l'argent collecté est allé en priorité dans les poches du clan Somoza. Ouais, ce qui n'a pas dû accroître sa popularité. Vous avez raison. Enfin, je vais faire vite. Hein. Ce qui met vraiment le feu aux poudres, c'est au début de 1978. L'assassinat d'un directeur du journal d'opposition. Une grève générale suit, puis la création d'un front élargi contre la dictature. Anastasio Somoza réagit à sa manière en réprimant sans pitié l'opposition. C'est alors que les sandinistes prennent l'initiative de lancer une insurrection générale. Et comment réagissent les Américains ? À Washington, c'est Jimmy Carter qui est aux commandes. Il est bien embarrassé. Pourquoi ? D'un côté, il lui est difficile de lâcher les Somoza qui sont les meilleurs protecteurs des intérêts américains en Nicaragua. Mais d'un autre côté, lui qui se veut être un ardent défenseur des droits de l'homme, il ne peut quand même pas fermer les yeux sur les exactions de la dictature. Comment il va réagir, là? En février 79, il a fini par se décider et il supprime l'aide militaire et économique. Ouais, ça va être la fin des Somoza, alors sans aide américaine. Ce qui montre bien que le régime dépendait étroitement du soutien américain. Les sandinistes prennent donc le pouvoir à cette époque. Dès la fuite de Somoza, en juillet 79, mais attention, le nouveau pouvoir regroupe tous les mouvements qui ont lutté contre la dictature. Donc pas seulement les sandinistes. Et oui, disons qu'il y avait aussi, à côté de ces émules du Che, des représentants de la bourgeoisie et même de l'Église. Ils avaient tous ensemble créé une junte qui va diriger le pays jusqu'aux élections présidentielles de 1985. Oui, d'accord, mais ce sont quand même les sandinistes, donc des marxistes, hein, qui vont effectivement diriger le pays. Vous voulez dire qu'ils auraient confisqué la révolution? Bah, oui. C'est peut-être plus compliqué que ça. La junte va très rapidement être confrontée à de graves difficultés, tant intérieures qu'extérieures. Et c'est vrai que progressivement, on va assister à un durcissement du régime. Ouais. Et donc à une évolution du gouvernement du Nicaragua vers l'extrême gauche. Bon, on peut pas nier effectivement cette radicalisation, mais encore une fois, ce sont les pressions extérieures qui vont conduire à ce bouleversement. Pression extérieure, pression américaine. Oui, enfin, et rappelez-vous, nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps. La même chose s'est produite au Guatemala dans les années 50. Oui, je me souviens. Oui, ce sont les États-Unis qui ont fait en sorte de précipiter le colonel Arbenz vers le camp de l'Est, pour mieux l'abattre, bien sûr. Pourtant, au départ, ce sont les Américains qui ont quand même joué un grand rôle dans l'éviction de Somoza. Oui, mais enfin, c'est Carter qui était à la Maison Blanche. Carter qui va d'ailleurs s'empresser d'aider tout de suite le nouveau pouvoir. L'aider financièrement? Oui, le président américain fait verser au Nicaragua plusieurs millions de dollars d'aide humanitaire. Et il se déclare prêt à accroître de façon significative sa coopération avec les nouveaux dirigeants. Mais Reagan va battre Carter à l'élection présidentielle en 80. Et il entre à la Maison Blanche en janvier 81. Et d'emblée, il prend le contre-pied de la politique de son adversaire malheureux. Le contre-pied, c'est-à-dire? Ce sont des communistes qui sont au pouvoir à Managua. C'est donc une avant-garde de Moscou qui a pris pied sur le continent américain. Oui, pas moins. Et Reagan, alors qu'il n'était encore que candidat des Républicains, a clairement dit que s'il était élu, il mènerait en priorité la lutte contre Cuba et le Nicaragua. Déjà. Et déjà, oui. C'est pas simplement un argument électoral. Reagan, tout au long de sa campagne, a été soutenu par des organisations et des cercles privés proches de la droite la plus extrême. Des gens qui voulaient en découdre au plus vite avec les communistes et plus largement avec tout ce qui s'apparentait au progressisme. Mmh. Et les conséquences alors de l'arrivée de Reagan au pouvoir? Eh bien, dès le début de l'année 81, le nouveau président supprime immédiatement toute aide au Nicaragua. D'autre part, il suspend les exportations de blé vers ce pays. Mais franchement, est-ce que Reagan a de bonnes raisons de penser que les communistes sont très influents à Managua? Franchement, non. Les dirigeants sont plutôt à l'époque des non-alignés. C'est-à-dire à mi-distance de Moscou et de Washington. Oui, c'est ça. Oui. Mais comme je vous l'ai expliqué, l'attitude intransigeante et hostile du président américain va de facto encourager les sandinistes à se rapprocher effectivement progressivement de Moscou. Mais aussi, il faut le noter, de la France socialiste. Oui, c'est ça. Il viendra même en visite, président Managua. Et Castro, lui. Bon, il est évident qu'il a de la sympathie pour le nouveau pouvoir en place à Managua. Seulement de la sympathie? Non, il est naturellement prêt à aider les sandinistes. D'ailleurs, il les a déjà aidés. Ils étaient dans la clandestinité. Ah, ça peut inquiéter Reagan. Ça, c'est certain, oui. Bon, vous avez parlé de difficultés extérieures, mais aussi intérieures. Intérieures, oui, parce que la situation économique du Nicaragua n'est pas brillante et que le pays a hérité de Somoza une dette absolument écrasante. Et le blocus économique américain ne va absolument rien arranger. Ouais, peut-être aussi que la politique d'étatisation du nouveau régime... Non. Les sandinistes et leurs alliés prennent bien garde à ne pas nationaliser à outrance et à respecter le secteur privé. Bon, alors, sur le plan extérieur. Les somozistes, comme on les appelle, ont été chassés. Mais ils ont une revanche à prendre. Ça se comprend, oui. Et de petits groupes contre-révolutionnaires, les contrastes, vont bientôt se regrouper sur les frontières extérieures au Honduras et au Costa Rica. Et ils vont harceler les forces nicaraguaines en organisant des sabotages ou en tentant des coups de main. Mais jusqu'à l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison Blanche, ce sont des coups d'épingle. Oui. Et après? Pour Reagan, tenez-vous bien, les contrastes, anciens partisans du dictateur Somoza, ne sont rien moins que des combattants de la liberté à l'égal des résistants français et des pères fondateurs de l'indépendance des États-Unis. Et oui, et il le dit publiquement, oui, ça. Oui, mais il lui reste à trouver le meilleur moyen d'aider ces combattants de la liberté. Un moyen forcément un peu clandestin. Hein. Naturellement. Et c'est là que la véritable histoire commence. Très rapidement, l'Amérique centrale devint le principal problème de la politique étrangère de l'administration Reagan. Je lis cette phrase dans l'ouvrage de Stephen Emerson paru chez Economica sous le titre « CIA, les guerriers de l'ombre ». Les États-Unis nourrissaient alors des inquiétudes sur la situation de trois pays, le Salvador, le Guatemala et le Nicaragua. Plus loin, le même auteur cite Jean Kirkpatrick, ambassadeur US aux Nations Unies. La détérioration de la position américaine dans l'hémisphère a déjà engendré de sérieuses vulnérabilités là où il n'en existait pas auparavant, et notre pays risque maintenant d'être confronté à la nécessité, inconnue jusqu'ici, de se défendre contre un réseau de bases soviétiques sur et autour de nos frontières du Sud et de l'Est. Et Stephen Emerson poursuit. Dans les premiers mois de 1981, le secrétaire d'État Alexander Haig s'enquit auprès des chefs d'état-major de la possibilité d'une opération militaire américaine contre le Nicaragua. À la surprise de l'administration, le Pentagone ne souhaitait pas jouer un rôle direct dans cette région, ni même accroître sa présence navale dans les Caraïbes ou pratiquer un blocus contre le trafic d'armes. Le Pentagone se souvenait de la guerre du Vietnam. Il ne voulait pas être impliqué dans un conflit qui n'aurait peut-être pas le soutien de l'opinion publique et être soumis à des contraintes politiques et mettre en danger l'approbation par le Congrès de son budget militaire. Un Congrès qui, il faut le signaler tout de suite, sera souvent hostile aux initiatives de Reagan au Nicaragua, quand il les apprendra bien sûr. Quel genre d'initiative prend donc le président Reagan ? La nouvelle administration américaine doit ruser pour ne pas effaroucher le Congrès. Ouais, les représentants et les sénateurs qui ne veulent pas d'une nouvelle guerre du Vietnam. Surtout pas. Alors les conseillers de Reagan vont trouver un prétexte pour circonvenir ses élus et les persuader d'autoriser un certain nombre d'opérations hostiles au Nicaragua. Ouais. Ce prétexte ? Eh bien, les dirigeants marxistes, car dans le langage de Reagan, il n'y a absolument aucune nuance. Donc les dirigeants marxistes nicaraguayens sont accusés d'aider la guérilla salvadorienne. Ouais, le Salvador, pays voisin. Où là aussi, il y a des troubles. L'armée et des groupes paramilitaires particulièrement féroces, soutenus aussi par les États-Unis, sont opposés à une guérilla très active. Ouais, et puis une guérilla aussi d'obéissance marxiste. Ou guévariste, enfin peu importe. Ce qui est important, c'est donc le prétexte. Le Nicaragua aide cette guérilla en lui fournissant des armes. Par conséquent, il faut l'en empêcher. Et ainsi, ça n'apparaît pas comme une intervention extérieure. Ah non, là il s'agit de protéger un pays ami, le Salvador, contre l'agression d'un voisin qui arme son opposition. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une réalité dans ces accusations Écoute, franchement, je n'en sais rien. Et les États-Unis, malgré la sophistication de leurs méthodes d'observation et d'espionnage, ne pourront jamais rien prouver. Jamais. Non. Enfin, c'est vrai qu'il existait une sympathie naturelle entre les révolutionnaires salvadoriens et les Nicaraguayens. Pour les deux, il s'agissait d'abord de résister à l'impérialisme américain en Amérique centrale. Ah, voilà que maintenant vous parlez avec la langue de bois de l'époque. Oh, bon, peut-être, mais enfin, comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout anti-américain. Et je sais ce que nous devons aux États-Unis, mais il faut quand même bien voir les choses en face. Ce n'est pas pour rien qu'on a inventé l'expression « république bananière » en Amérique centrale. Là-bas, c'était les grandes compagnies nord-américaines qui faisaient, et qui font encore d'ailleurs, la loi. Ouais, la United Fruit. En particulier, oui. Alors, oui, je n'ai pas peur de parler d'impérialisme américain. D'accord, je vous ai bien entendu. Alors, ce prétexte-là, l'aide militaire à la guérilla salvadorienne, paraît crédible aux représentants américains, enfin aux parlementaires américains. Oui, parce que l'objectif leur apparaît défensif et non offensif. Ils accordent donc un gros paquet de dollars à la CIA. Ouais, parce que c'est la CIA qui va être chargée. Bien sûr, c'est la CIA qui va être chargée de mettre fin à ces prétendues livraisons d'armes. Puis ça va permettre à la centrale américaine d'agir directement sur le terrain contre le Nicaragua. Directement, mais clandestinement. Ah bah, ils pouvaient pas en être autrement. Et pratiquement, comment ça se passe alors? Bah, je vous l'ai dit, avant même l'arrivée de Reagan à la Maison Blanche, d'anciens somosistes avaient commencé à fomenter des troubles aux frontières du Nicaragua. Oui, mais des coups d'épingle, avez-vous dit, hein? Oui, c'est ça. Parce que ces contrastes sont peu nombreux et très mal organisés. Alors pour la CIA, il va falloir d'abord structurer cette guérilla contre-révolutionnaire. Et l'armée. Et aussi l'entraîner. Mmh. Enfin bref, il s'agit de former une véritable armée capable, le moment venu, de porter des coups très durs au régime de Managua. Et bien sûr, en dernier lieu, de l'abattre. Ouais. Fait trouver des bases, pour entraîner ces hommes. Bon, ça n'a pas été très difficile. Moyennant quelques compensations financières, le Honduras au nord et le Costa Rica au sud ont accepté sans grande difficulté que les contrats se trouvent refuge sur leur sol. Et les armes? Voilà encore, il a fallu ruser. Et trouver de petits arrangements avec les forces armées américaines. Forces armées, ça, pourquoi? Expliquez. La CIA a demandé au Pentagone que des quantités impressionnantes de matériel lui soient livrées. Du matériel qui serait officiellement considéré comme du surplus, et qui serait donc gratuit. Quel est l'intérêt de l'opération? Il s'agissait d'abord d'échapper au contrôle du Congrès. ces surplus qui sont livrés gratuitement à la CIA ne pourraient pas être comptabilisés dans l'aide consentie aux Contras, vous comprenez? Oui, à peu près, mais les militaires ont marché. Certains se sont méfiés, mais enfin d'autres qui savaient qu'ils seraient secrètement soutenus par la Maison Blanche ont accepté avec enthousiasme. Puis on a assisté alors à une chose assez incroyable. Racontez. Il existait au sein de l'armée de terre une structure qui s'appelait la Division des Opérations Spéciales. Ce sont les officiers de cette division qui ont collaboré étroitement avec la CIA. Une division qui n'a d'ailleurs cessé de grandir pendant les années Reagan et qui est à peu près devenue une armée dans l'armée. Une armée dans l'armée, c'est-à-dire une structure autonome. C'est à peu près ça, oui. Enfin, une armée secrète qui disposait de moyens matériels et financiers considérables et qui, dans les faits, a joué le rôle de branche militaire de la CIA. Sans en référer à la hiérarchie de l'armée de terre. Tout à fait. Mais avec le soutien du Conseil national de sécurité qui pilotait l'affaire depuis la Maison Blanche. J'ai du mal à croire, moi, que toutes ces magouilles ont pu rester secrète. Oui, vous avez raison. Enfin, trop de gens étaient au courant. Bon, il y a forcément eu des fuites. Par exemple? Bien, des journaux américains ont publié très tôt, dès 1982, je crois, des informations sur la réalité de l'engagement de la CIA aux côtés des Contras. Et sur le rideau de fumée, donc, constituait cette prétendue lutte contre les livraisons d'armes à la guérilla salvadorienne. Oui, c'est ça. Oui. Et comment a réagi devant ces fuites? Comment a réagi le pouvoir américain? Bah, Reagan a fait le gros dos et le grand communicateur a continué à soutenir la même fable. Mais le Congrès, lui, n'a pas apprécié. Ah, et comment ça s'est passé, quoi, qu'ont fait les représentants? Mais ils ont voté un amendement interdisant à la CIA et aux forces armées de mener des actions susceptibles de renverser le gouvernement du Nicaragua. Ça a changé quelque chose? Non, rien du tout. Et les cadeaux de Noël ont continué. Les cadeaux de Noël? Ouais, enfin, c'est comme ça que les initiés appelaient ces livraisons massives d'armes, censées aider l'armée du Salvador à lutter contre la guerre. En réalité, ces armes étaient livrées directement au Contras, donc dans la plus parfaite illégalité. Exactement. Ouais. Et sur le terrain, comment ça se passe? Bien, les Contras sont mieux organisés, mieux armés, ils disposent même d'avions soustraits au stock de l'armée de l'air et vendus à des compagnies contrôlées par la CIA, des appareils qui leur servent à ravitailler leurs colonnes infiltrées au Nicaragua, mais aussi à tenter quelques raids de bombardement. Enfin, encore rien qui menace vraiment le gouvernement sandiniste. Hein. Non, enfin pas encore. Mais ces opérations aériennes étaient souvent très risquées, plusieurs avions ont été touchés, se sont crashés. C'est comme ça, au cas où ils auraient eu encore des doutes, que les Nicaraguayens ont compris que les États-Unis étaient directement impliqués. Pourquoi? Parce que les pilotes étaient souvent américains et qu'on a parfois retrouvé dans les épaves des papiers très compromettants prouvant leur nationalité américaine. Mais c'est une autre affaire qui va administrer la preuve que la CIA agit directement au Nicaragua. Au mépris d'ailleurs de la légalité américaine et du droit international. Les conseillers de Ronald Reagan ont théorisé la stratégie de la nouvelle administration et ils l'ont baptisée « stratégie des conflits de faible intensité ». En 1987, voici ce qu'écrit à ce sujet Ignacio Ramonet dans Le Monde diplomatique. Selon les théoriciens de cette stratégie qui allait très tôt s'appliquer au Nicaragua, tous les moyens doivent être utilisés dans la lutte contre les communistes et les terroristes, car il s'agit d'une guerre totale d'un nouveau type. Sam Sarkisian, l'un de ses théoriciens, l'explique ainsi. Les conflits de faible intensité ne s'accordent pas aux notions démocratiques de stratégie et de tactique. La révolution et la contre-révolution développent leur propre moralité, leur propre éthique, qui justifie tous les moyens pour obtenir le succès, survivre et la moralité fondamentale. Dans cet esprit, M. Reagan décrivit les troubles en Amérique centrale comme un pur produit des plans stratégiques mondiaux de Moscou. Le plan des communistes, déclare-t-il, consiste à exploiter les souffrances humaines en Amérique centrale frappées au cœur du continent américain. Nous avons été lents à comprendre que la défense des Caraïbes et de l'Amérique centrale contre la mainmise marxiste-léniniste est vitale pour notre sécurité nationale. Telle fut la philosophie qui présida au déclenchement de la guerre secrète contre le Nicaragua. Ce pays fut accusé d'aider la guérilla du Salvador et de servir de plaque tournante aux fournitures militaires provenant du bloc soviétique via La Havane. L'idée qui a germé dans les cerveaux des conseillers de Reagan, c'est d'asphyxier économiquement le Nicaragua. Ah bah ça a déjà commencé avec les premières mesures d'embargo. Oui, mais la Maison Blanche veut aller plus loin. D'autant qu'il apparaît clairement que les Contras seuls ne sont pas en mesure de remporter la victoire. Alors, on va imaginer une série d'actions menées directement par les Américains et dont on attribuera naturellement la paternité aux Contras. Oui, ça c'est de bonne guerre, si je puis dire. Et ça commence par quoi? La CIA, une nouvelle fois, va se servir de l'armée américaine. Elle lui fait acheter un gros bateau. Alors, pourquoi ne pas demander à la marine, alors? Parce que je vous l'ai expliqué, il y a cette armée dans l'armée, cette division des opérations spéciales qui n'a rien à lui refuser. Donc, pour la première fois de son histoire, l'armée de terre va se trouver copropriétaire d'un bateau. Et personne ne trouve ça étrange. Non, parce qu'on crée pour l'occasion une société de couverture. Et ce bateau-là, à quoi va-t-il servir, hein? J'y viens. C'est un céréalier qu'on transforme de telle façon qu'il va pouvoir recevoir une flotte de petites vedettes rapides et puissamment armées. C'est un porte-vedette, en quelque sorte. Exactement. On y ajoute aussi la possibilité d'accueillir des hélicoptères et on l'équipe d'un système d'écoute et de repérage électronique de point. Ouais. Mais je reviens à ma question, alors. Pourquoi faire? Ce bateau, quand il est prêt, navigue au large de la côte nicaraguayenne. Une première fois, à la fin 1983, ces vedettes foncent vers le port de Corinto, où se trouvent justement de nombreux réservoirs de pétrole. Et les commandos transportés par ces petites embarcations font sauter les installations portuaires. On pouvait s'y attendre. Oui, ça c'est un coup très dur porté à l'économie du Nicaragua qui dépend étroitement de son approvisionnement en pétrole. Et ça n'est qu'un début. Parce qu'il y a d'autres attaques. Une autre, oui. Mais à la Maison-Blanche, tout autant qu'à la direction de la CIA, on estime qu'il faut aller plus loin encore. Et un petit malin propose tout simplement de miner les ports du Nicaragua. Ah oui, ça cette fois je me souviens. Ouais. Toutefois, l'opération est délicate à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'avoir des répercussions internationales graves. Les mines, une fois qu'elles sont déposées dans les eaux d'un port, ne font pas de distinction entre les navires. Mmh. Et elles peuvent aussi bien endommager un bateau d'un pays de l'Est qu'un bateau appartenant à une puissance amie. Mmh. Alors, comment les petits malins, là, les Américains de la CIA, résolvent-ils cette difficulté? À ce moment-là, il est décidé de fabriquer de petits engins capables de provoquer des dégâts, mais pas un naufrage. En fait, vous l'avez bien compris, il s'agit de dissuader tous ceux qui font du commerce avec le Nicaragua. Et très vite, ce minage des trois principaux ports nicaraguayens produit des effets. Mais c'est l'asphyxie économique. Bien entendu. Souhaité. Quelques navires sont touchés et aussitôt les marchandises prêtes à l'exportation s'accumulent sur les quais. Et le pays manque rapidement de biens de première nécessité, de produits industriels. Mais je me souviens aussi que cette affaire du minage là, des ports va provoquer une intense émotion internationale, des protestations. Ah, oui. Ouais. Parce que la responsabilité des États-Unis va apparaître de façon évidente. Bah, mais comment les mines ne sont pas signées quand même? Bah d'accord, mais enfin, pour masquer leur intervention, les hommes de la CIA ont fait fabriquer les mines au Honduras. Ouais. Mais la sophistication des engins ne peut laisser aucun doute sur leur véritable origine. Seule une grande puissance technologique a pu les concevoir. Et qui avait intérêt à nuire au Nicaragua? Bah, les États-Unis, naturellement. Ouais. Ouais. Bon. Et cette fois, le Congrès américain se fâche. Parce que les parlementaires, là, cette fois, ont vraiment l'impression d'avoir été trompés. Hein. Tout à fait, oui. Ouais. Et alors, Reagan? Bah, une fois de plus, il passe à travers les gouttes. Seule la CIA est mise en cause. Mais ça a des conséquences très importantes, parce que les parlementaires américains, décidément très fâchés, prennent la décision de remettre en cause toutes les aides accordées au Contras. Bah, ils l'avaient déjà plus ou moins fait, non? Oui, mais enfin, pas aussi clairement. Ils interdisent toute intervention directe ou indirecte des services secrets dans l'affaire nicaraguayenne. La Maison-Blanche s'incline? En tous les cas, elle fait semblant, car Reagan est bien décidé à continuer à venir en aide aux Contras. Ouais, mais alors maintenant, comment peut-il faire, hein? Bah d'abord, à la tête de la CIA, dirigée par son grand ami Bill Casey, on n'a pas l'intention d'obéir au Congrès. Mais en accord avec les conseillers de Reagan, on va agir plus discrètement et on va faire appel au secteur privé. Oh, privatise la mafia commence. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, je crois vous avoir dit que l'élection de Ronald Reagan avait été préparée par les organisations les plus conservatrices du pays. Ouais, bon, ouais. Il existait en effet aux États-Unis une véritable nébuleuse de lobbies anticommunistes dont l'influence était tout à fait considérable et qui était financée par des hommes excessivement riches. Et la John Birch Society, par exemple? C'est en effet une des organisations blanches les plus extrémistes. Mais il y en avait bien d'autres. Et certaines, d'ailleurs, n'étaient pas simplement des clubs politiques, mais des structures paramilitaires. Donc, alors, tout naturellement, en envisageant la privatisation de l'aide aux Contras, c'est à cette nébuleuse qu'on va faire appel. Oui, on charge tous ces conservateurs de trouver de l'argent. Mais comme ça ne suffira pas, les conseillers de Reagan vont aussi contacter des pays amis. Lesquels? L'Arabie Saoudite et le Sultanat de Brunei ou encore Israël. Alors, tous ces pays ont donc soutenu matériellement les Contras à la demande de la Maison-Blanche. Et dans la plus grande discrétion, bien sûr. Certains, comme les Saoudiens, ont donné des millions de dollars. D'autres, comme les Israéliens, ont envoyé des instructeurs ou des armes. Des armes qui avaient été saisies au Liban, dans les stocks palestiniens. Ouais, lors de la guerre du Liban, en 82. Hein, c'est tout à fait ça, oui. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas que l'Afrique du Sud n'a pas été en reste. Et il semble que la Chine aussi, n'est pas rechignée, a envoyé des armes. Ouais. Et qui coordonnait toute cette aide? Bill Casey, le patron de la CIA, qui était le grand Manitou. Mais à Washington, l'organisateur, celui qui ouvrait les comptes en Suisse, qui surveillait les livraisons d'armes, c'était un homme qui faisait partie du Conseil national de sécurité, le colonel North. Ah, North, c'est l'homme de l'Iran Gate, ça. Lui-même, oui, mais tout est lié. puisque vous savez que c'est aussi avec le trafic de l'Irlandais que North va financièrement aider les Contras. Toutefois, si vous le voulez bien, laissons provisoirement cette considérable affaire. J'y viendrai peut-être plus tard, je vous le promets. Mmh. C'est donc North qui gère... Ah, oui, avec le plein accord du président, bien sûr. North, nous en reparlerons en évoquant le scandale de l'Irlandais. C'était un personnage très entreprenant. Une sorte de cow-boy un peu exalté, très anticommuniste, qui a eu l'impression d'entreprendre une véritable croisade. Mmh. Mais il devait être aidé, quand même. Il y avait cette nébuleuse dont je vous ai parlé. Un type, surtout, a joué un grand rôle, un ancien général, ses cordes. Pour cette affaire, il a monté tout un écheveau de sociétés, de compagnies aériennes. Il a même créé, pour l'occasion, un aérodrome au Costa Rica. Un aérodrome... Une piste clandestine, vous voulez dire ? Les Costaricains ne pouvaient pas ne pas savoir que cette piste créée à l'intérieur d'une plantation appartenait à un riche américain et servait d'aérodrome aux appareils des Contras. Mais ils ont fermé les yeux. Ouais. Les Contras ont donc bénéficié d'une aide exceptionnelle. Oui, c'est exact. Et ça leur a permis de créer des ennuis sérieux aux sandinistes. Mais sans toutefois parvenir à ébranler suffisamment le pouvoir en place à Managua. Ouais. Et Reagan continue à s'obstiner ? Oui, la question du Nicaragua est chez lui une sorte d'obsession. Et en 1986, au printemps, il croit tenir sa revanche sur le Congrès. Une revanche? Oui. Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, fait preuve de maladresse. Il se rend à Moscou. Aussitôt, la Maison-Blanche enfonce le clou. Vous voyez bien que c'est un homme des soviétiques, et le président américain obtient du Congrès qu'il annule les dispositions interdisant l'aide directe aux Contras. Oui. Mais sa victoire est de courte durée. Pour quelle raison? En octobre, un avion qui se préparait à parachuter des armes aux Contras infiltrés au Nicaragua est abattu. Un des membres de l'équipage réussit à sauter en parachute et il est récupéré vivant. Et cet homme, un Américain, comme les trois autres hommes tués dans le crash, commence à parler. Et que dit cet Américain exactement ? Il déballe tout ce qu'il sait. Il raconte en particulier qu'il travaillait pour la CIA. Ses aveux auraient pu lui être extorqués. Hein. Il lui était difficile de ne pas dire la vérité. Les documents et les armes qui ont été trouvés dans la carcasse de l'avion étaient en eux-mêmes assez éloquents et accablants pour les États-Unis. Alors, à partir de là, c'est le scandale à Washington. Oui, il pouvait pas en être autrement, puisqu'il apparaissait clairement que la Maison-Blanche avait menti au Congrès depuis le début. Et vous le savez, quelques jours après, c'est l'affaire de l'Irlandais qui commencera et le scandale sera encore plus énorme. Est-ce qu'il y a un lien chronologique entre les deux affaires ? Non. Le seul lien, c'est qu'on trouve les contrastes dans les deux affaires, c'est tout. Mais la révélation de l'Irlandais découle d'une autre manipulation. Je vais vous en parler. Toutefois, le président Reagan, ses conseillers et le directeur de la CIA, qui seront tous sérieusement éclaboussés, vont échapper à un scandale encore plus grand. Quoi ? Il leur fallait trouver de l'argent à tout prix pour les contrastes, n'est-ce pas ? Mmh, ça vous l'a suffisamment raconté, ouais. Mmh. Alors, quel est le trafic, à votre avis, qui permet de gagner le plus d'argent possible ? Je sais pas, moi, la drogue ? Ouais, la drogue, oui. Et n'oubliez pas que l'Amérique centrale se trouve exactement entre les États-Unis et la Colombie. Alors, je vous l'affirme, les avions qui venaient livrer des armes aux contrastes sur cette piste aménagée au Costa Rica repartaient rarement vides. Mmh. Et qui convoyait de la drogue jusqu'aux États-Unis. Oui, sans danger, puisqu'ils volaient sous le contrôle de la CIA. Ouais, vous avez une preuve, là ? Écoutez, des gens savaient, disposaient même de documents. Mais le centre de la politique de développement où étaient conservées ces preuves a été justement cambriolé en novembre 86. Bizarre, non ? Les Contras, financés avec l'argent de la drogue, à l'époque, personne n'a émis cette hypothèse, mais... En 1996, un journal californien, le San Jose Mercury News, affirme que les Contras et les narcotrafiquants avaient passé des accords et que la CIA a favorisé ce trafic. Un trafic qui correspond avec l'apparition du crack dans les ghettos noirs de Los Angeles. D'autre part, dans un livre tout récent, paru à la découverte « La guerre perdue contre la drogue », le journaliste Jean-François Boyer ajoute que les Contras s'entraînaient sur des haciendas appartenant aux parrains de la drogue.